passé. C'est toi la plus belle, tu nous ensoleilles, Lily, tu nous fais craquer. Elle vend au marché de jolies fleurs cueillies dans les prés. Quand vient midi pour le déjeuner, son petit bistrot est toujours comblé. Dans notre mairie, on aime bien danser. Avec Lily, on va s'amuser. Une petite dame s'attend, une bourrée, raconte tout ça, sa santé. Elle est charmante. C'est une fille qui fait rêver. Quand je la vois, je sens en moi tous mes soucis s'envoler. Elle me rend fou, j'en oublie tout. Je ne pourrais plus m'en passer. C'est toi la plus belle, tu nous ensoleilles, Lily, tu nous fais craquer. Eh bien, on reste avec Nicolas Violet. Ce n'est pas une région française, c'est le Portugal. Pour faire plaisir à ma direction, on va écouter. Ben voilà, on va écouter par Nicolas Violet. Sacré Portugal. Rempli de soleil pour toujours.

visage au regard si doux. Je sens que tu t'éveilles, ton parfum m'enivre tout à coup. Et tu as le goût du miel, ton corps chaud dans ce lit douillet. Ta peau qui ruisselle de mille gouttes de perle salée. Au réveil, te sentir frissonner. Monte en moi le vent de l'amour et je m'abandonne tout entier. Je t'aime toujours. À ta peau de velours, des tendres caresses, je t'ai donné. Car mon cœur n'a jamais cessé de battre et de t'aimer pour toujours. Et je sens monter tout en moi cette fièvre tant de désir. Ça me met dans les mois, je ne peux plus me retenir pour te serrer tout contre moi. Je cesse de m'appartenir, je m'abandonne à toi dans les frissons et les désirs. Eh bien voilà, je suis obligé de le couper, Cyril, parce que ça pourrait durer une journée, Cyril. On va écouter maintenant un accordéoniste que vous connaissez bien. C'est pas un accordéoniste, c'est une chorale qui reprend une main dans la fleur. Non, une fleur dans la main. Non, pas la main dans la fleur. C'est une fleur dans la main d'un enfant. Ah, que c'est triste de vieillir. Alors on écoute donc cette chorale. Il n'y a pas beaucoup de son. Alors pourquoi il n'y a pas de son? Il y a un problème avec... Ah ben voilà, je l'ai trouvé le problème. Quelques rendez-vous. Top Musette. Top Musette sera aujourd'hui, enfin elle est aujourd'hui, pardon, à Bonny-sur-Bionne. Top Musette, Charles Cassonnet, à Bonny-sur-Bionne, à la salle du Patio, la Galette des Rois de la FNACA, les anciens d'Algérie. Après-demain, le 21, elles seront à Orléans-la-Source, à la salle Pélissère. Et c'est un rendez-vous privé. Le 28 janvier, à la chapelle Saint-Mémin, à l'espace Bérère. Et c'est l'amicale des retraités de Saint-Gobain. Je continue. Je recevrai le dimanche, exceptionnellement le dimanche. Dimanche 9 février prochain, de 12h30 à 15h, je ne suis pas habitué à l'heure du dimanche. L'orchestre national, là, il faut qu'on dit plus qu'on y est. Les oreilles qui saignent. 26 loisirs, organise son après-midi dansant avec l'orchestre François Mazera le 2 février prochain à partir de 15h à la salle polyvalente de Vinci. Je sais pas si on m'entend, mais je comprends pas parler. Prix d'entrée 12€ par personne, une pâtisserie offerte pour 5 heures de danse. Toute réservation auprès de Monique au 06 15 29 55 59 et sur 26 loisirs officiels. @gmail.com. Et vous l'avez tous entendu, c'est bien vrai. Corre si ta passo da blu da boom, de la removicia. Corre si ta putte, si de brum, je ferai un faux pas. Loin d'ici les señoritas, les bandas et les corridas. Corre si ta mia, mi querida, chante la fiesta. G58, c'est le nom d'un orchestre de la Nièvre, 58 la Nièvre. Nous interprète ma symphonie, célèbre composition de Jean-Désiré Bailly. Et pour Jean-Désiré Bailly, c'était son grand succès. Et pour Roger Si, son grand succès, c'est L'étoile des troubadours. Dans quelques secondes.

dire un peu d'amour à sa belle, un bouquet pour une bergère, en chantant la valse des pastourelles. Fait chanter la joie du bon vieux temps, un bouquet de fleurs de bruyère pour offrir un peu d'amour à sa belle, un bouquet pour une bergère en chantant la valse des pastourelles. Dans les verts pâturages, sur le plateau, parmi les fleurs sauvages, chante un oiseau. Ruisseau Limousin, tu moules le blé de chez nous, de ce vieux moulin, tu fais tourner la roue. Chante la sérénade pour le plus bel ange, la plus douce des filles. Dans mon cœur vendange cet amour qui scintille, des gurans d'Ajaccio, les sources claires font chanter le coucou dans la clairière. Ruisseau Limousin, tu cours dans les fougères. Ruisseau Limousin, beau ruisseau des bruyères. Chanter le coucou fougères, ruisseau limousin, beau ruisseau des bruyères. Eh bien, on va continuer dans les régions avec cette fois-ci Mathieu Martini. Et Mathieu Martini nous dit Les Jeunes d'Or. Une valse. Pour le plaisir personnel. Je recommence tout. Pour le plaisir personnel de Paulette à Fleury-les-Aubrais. Thank you. de bruyère chante ma belle, car le printemps revient sur les amours. Chante aux bruyères, chante pour elle, pour un printemps qui durera toujours. Et toi tu m'attends, toi si belle amoureuse, dans l'herbe tendre parmi les jonquilles. Est-ce le printemps qui rend la vie joyeuse, fait briller l'amour dans les yeux des filles. Chante aux bruyères, chante ma belle, car le printemps revient sur les amours. Chante aux bruyères, chante ma belle, pour un printemps qui reviendra toujours. De 34 minutes et 30 secondes. On va écouter à nouveau Mathieu Martini avec une série de bourrées. Bourrées signées Jean Séguerel. Thank you. Arc-en-Ciel Orléans. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. De quelques troubadours, ce temps-là chez nous dans les campagnes, les pastoureaux et les bergères se retrouvaient là-haut dans les montagnes, parmi les ruisseaux, les fougères. On entendait dans la cour de l'école des chants joyeux qui s'envolaient. Les enfants faisaient une farandole pour fêter la Saint-Jean d'été. Les bruyères d'autrefois me font chanter les airs de mon enfance et le cœur en émoi. Je revois nos jolies vacances quand ce beau Limousin dansait au son d'un vieil accordéon. Dans le petit matin, nous partions par les monts, insouciants vagabonds. En ce temps-là, on fêtait le dimanche, le village se retrouvait. Qu'elles étaient belles dans leur robe blanche, les filles du bon temps passé. On n'était pas riches, mais on avait le temps de vivre simplement, malgré les fois, les durs travaux des champs. On était bien dans ma vallée. On n'était pas riches, mais on avait le temps de vivre simplement. On était bien dans ma vallée. passait au son de l'accordéon. Mario chantait sa tournée rond. Polka bourrée jouait sur son basson, faisait danser tous les gens de la région. Ça se passait le temps d'une chanson qui nous parlait coutumes et traditions, des vieux métiers du champ de la moisson, des soirs passés près des tisons. De Chaumeil qui portait la musique en son cœur. Pour chanter, s'il n'avait son pareil, c'est à l'accordéon qu'il était le meilleur. Que de filles et de gars il a pu faire valser les dimanches chez la Jeanne à Vimbel. Vous qui sur ses airs avez dansé, vous l'avez reconnu, oui c'est Jean Ségurel. Adieu Ségurel, on t'aimait tant qu'on se rappellera longtemps. Et comme si ça datait d'hier, le troubadour des monnaies d'hier. Adieu Ségurel, on t'aimait tant qu'on se rappellera longtemps. Et comme si ça datait d'hier, le troubadour des monnaies d'hier. Même quand il était loin du pays, à sa Corrèze aimée, il demeurait fidèle. Et bien plus que les rues de Paris, il aimait avant tout ses bruyères si belles. Moi aussi j'aimerais retrouver ma Corrèze et l'amitié de ma pastourelle. Avec une préférence, ne vous en déplaise, pour le village de Jean Ségurel. C'est à Chaumeil que je veux devenir vieille, devenir vieux, et venir vivre ma dernière année au pied des monnaies d'hier. Oui, à sommaire et cueille au vol, divini vieille, oh divini vieille, et venir vivre ma dernière, Jana Daipé, la Mounébière. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On va écouter, continuer d'écouter jusqu'à 14h. Mathieu Martini. 14h, une page de publicité. Soleil, les oiseaux sonnant le réveil, tu es bien la plus belle parmi toutes les chansons. C'est toi qui nous rappelle la bruyère et les buissons. Montagne cachée dans la vallée, bien à l'abri de son clocher, le beau pays où je suis né. J'ai trouvé ma compagne en fredonnant cette chanson. Veux-tu que j'accompagne ce refrain à l'unisson? Mathieu Martini, et ça s'intitulait, ça s'intitule toujours d'ailleurs, ça changera pas, La ritournelle de Chaumeil, une composition de François Martini et Robert Monnelière et Jean Séguerel, qu'on parlera toujours tant que la Corrèze existera. Alors, il est presque 14h, une minute près, 50 secondes près, une page de publicité. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans.

te chante, ma belle, sur le vieux banc de bois, ce refrain d'autrefois, quand l'oiseau nichera dans la verte tonnelle, quand tout refleurira, on se rappellera au retour du printemps. La vie était belle, c'était bien le bon temps, car nous avions 20 ans. Tu fredonnais toujours la même ritournelle, qu'ils sont loin les beaux jours. Souviens-toi, mon amour. C'était bien le beau temps, car nous avions 20 ans. Tu fredonnais toujours la même ritournelle, sans loin ces beaux jours. Souviens-toi, mon bel amour. on écoute un François Rossonade. Je rappelle que demain c'est lundi, demain c'est cocktail coloré de 14h à 16h. Suivi de Frankie After Job, le titre de son émission de 16h à 18h. 14h et 15 minutes. Et on continue avec Georges Cantournet, et ce sera un petit gars corrézien. Robert Mondedière, la cabrette aux souvenirs. reste avec Robert Monédière, ce sera le régiment d'Auvergne. Sous notre toit, nous vivions un rêve pour que jamais il ne s'achève. Devant le grand feu de bois, l'amour nous ouvrit ses bras. Ivres de bonheur, nos corps et nos cœurs se sont donnés. Nous ne savions pas que cette nuit-là serait la dernière. Et je pense à toi, ce soir devant le feu de bois. Vivre de bonheur, nos corps et nos cœurs se sont donnés. Nous ne savions pas que cette nuit-là serait la dernière. Et je pense à toi, ce soir devant le feu de bois. Garder au cœur un petit coin fleuri de leur charmante Auvergne, ce qui fait qu'ils sont toujours de bonne humeur. Ça pourrait suffire à leur bonheur, mais ils n'oublient pas qu'un jour on leur a donné deux bras pour travailler, une tête solide et l'amour de leur tradition, avec ce qu'il faut pour ambition. Les vrais Auvergnats rêvent d'avoir enfin une maison au grand soleil de leur Auvergne, une soupe aux choux et un bon verre de vin. Que vient mon partage, les copains. La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans. Mais ils n'oublient pas qu'un jour deux bras pour travailler, une tête solide et l'amour de leur tradition, avec ce qu'il faut pour ambition. Les vrais Auvergnats rêvent d'avoir enfin une maison au grand soleil de leur Auvergne, une soupe aux choux et un bon verre de vin, que viendront partager les copains. Thank you. limousine est si jolie, je lui ai donné tout mon cœur, ses grands yeux bleus font ma folie, et son baiser fait mon bonheur. Ma limousine est si jolie, elle a pour moi toujours 20 ans, elle est le charme de ma vie, elle est mon éternel printemps. Si jolie, elle a pour moi toujours 20 ans, elle est le charme de ma vie, elle est mon éternel printemps. Il est 14h32, la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Il est temps d'écouter notre ami Berlogo. Va te dire un truc, gamin. Des feignants comme toi, n'en faut plus. T'en fous des études. Incapable de pauvres, non? Oh! On est marre des feignants comme ça, il y a son frère qui est avocat à Châteauroux. Pour des métiers, ça. Tu vas laisser tomber tout ça, toutes tes licences, je ne veux plus les voir. Et tu vas faire un Matignon comme ton pas. Jeudi, tu viens avec moi à Saint-Christophe. Le jeudi, ça mène à Saint-Christophe. Allez, gamin, choisis-moi un taureau. Allez, y va. Ben, je sais pas, moi, pas. Elle annonce celui-là la belle poitrine. Oh oui, oh, comme si on voyait un taureau à la poitrine. Oh, la brutie qu'il y a là-dedans. Ah, regardons l'autre là-bas, les cornes. Oh oui, les cornes. Oh, jouillon. Oh, t'es si bête, mon pauvre. Ah, quoi que. L'anneau vert. Il en doit. Tourne-moi voir ton engin, là. Bon Dieu. Oh, cette gauche. Oh, petit, soupèse-moi voir un peu. Oh, cette gauche. Oh, ben, bon Dieu, ça, il y a une belle gauche. Ah oui, pas, mais là, non, la droite, elle est plus petite, elle a un faible. Hein. Ah oui, elle t'est cachée par la gauche, là, oui, pas. Ah, t'avais raison, dame. Oh, c'est qui dommage. Oh, jamais j'ai vu en 30 ans une gauche comme ça. Oh, la droite, elle est fêlée. Oh, la droite, elle est... Oh, bon Dieu, cette gauche. Ah, oh, ça, bon Dieu, elle a dit une belle gauche. Oh, bon Dieu. Combien de temps veut ton taureau? Hein? 7000, ça, avec une droite pareille. Ah, non. La gauche, oui, d'accord, mais la droite, non. Non, je t'en donne 4005 et... Ben, regarde, ben, t'as qu'à regarder, ben, t'as un sou... Ah, ben, oui, la gauche, d'accord, je l'ai vu, la gauche, mais la droite, mon Dieu, non. Non, 5000, encore à la rigueur, je veux bien, mais bon, alors, top là. Il rentre à la maison. Bon, ben, il dit, t'as vu comment ça se fait? Oui, pas, j'ai compris. 15 jours après, il y a le gars qui était sur son tracteur en train de faire fessillon. Il y a le gamin qui dit, et paf, 20 litres. Qui tient, il y a le feu. Non, il y a moi, elle est en train d'acheter le facteur. Ja ho vist, Utxer, posa'm un poc de veta, i va dir fa un poc com a nosaltres, salta que a cliqui en pau aire. J'allais vous le dire. Ah non, mais il y en a, il n'a pas de chance. Hein. C'est un pauvre gars, un pauvre Berloyo. Il est venu dans les moments où, savez-vous, il y avait les bombardements, tout ça. Alors là, jamais, il n'est pas comme tout le monde. Hein. Ah ben non, il est paf, ça a pété dans tous les coins. Alors, il ne supporte pas le bruit.

C'est moi qui l'ai enfilé à votre bonne femme il y a 15 jours. Oh ben, il y a deux petits vieux. Oh, je dis deux petits vieux parce que la gamine, là, elle a 79 ans. Elle, Bounoum, il en a 89. Et, vous savez, ils ont chacun une petite ferme mitoyenne avec un bout de clôture qui sépare tout ça. Puis, ils ont vécu comme ça toute leur vie. Ils ne sont jamais mariés. Ils ont vécu comme ça. Puis, de temps en temps, quand il y a le printemps, tout ça... Il y en a un des deux qui sautait la clôture et youpi la rira, youpi. C'était parti mon kiki. Mais ça durait depuis des années. Et l'autre jour, il y a le petit vieux qui était en train de faire son semis, puis il voyait sa voisine, là, 79 ans, qui était de l'autre côté, qui faisait ses petites plantations aussi. Un coup, il fait... Hé, Louise. Ah, dis-t'es donc là, mon Jules. Il dit oui. Dis donc. Hé, ça te dirait-il quelque chose ce matin? Oh, dit t'es-tu bête, il est-tu bête. Allons, qui nous dit de prendre? T'es pas fou, non? Oh, ben dis, je sais pas ce que j'ai ce matin. Oh, dit quand même, tu parles d'un vieux machin que tu fais, toi. Oh. Mais reste donc tranquille dans ton coin, puis c'est tout, allons. Ah, pour au moins 2 ans, ça t'est pas arrivé. Ben dis, justement, hein, la réserve. Oulala. Moi, si tu voulais, Oh, ben, dis, écoute, non, dis, je sais pas pourquoi, m'a dit, moi, je crois que ce matin aussi, je suis comme toi. Eh ben, dis, viens, donc. Allez, ma Louise, viens, donc. Oh, ben, dis, je veux, ben. Là, la Louise, qui saute cette clôture, t'es la plus jeune. Elle dit, cramponne-toi après la clôture, je suis. Ils ont bien dit, oh, nom de Dieu. Ah, ben, elle a même pas le temps de se cramponner. Oh, ben, dis, bon Dieu, où te suis, qui te fais, qui te fais. Oh là, attends. Gadon, c'est pas vrai, mais je l'ai dans le désordre. Oh, Gadon, ça fait. Ah, dis donc, j'attrapine. Arrête donc, mais bouge donc pas, mais je sais plus où te suis, mais fais-nous attention. Oh là là, à l'autre. Ah, oh oui, oh non, non, oh si, si. Attends, hop, maman, papa, Adela, Titi font. Ça fait. Ah, c'est pas vrai, je veux descendre. Oh, maman. Ah. Au bout de 5 minutes, il s'arrête, il dit. Eh ben, ma Louise. Ah ben, j'en reviens pour dire. Oh, ça fait ben 35 ans que je t'ai pas vu tortiller comme ça. Elle a dit, oui, mon vieux couillon, mais il y a 35 ans, la clôture, elle t'est pas électrifiée. Source au printemps, tout illuminé d'argent. Qui sert nos rendez-vous quand siffle le coucou dans les branches de houx. On dit qu'elle a le pouvoir de guérir les peines d'amour, de redonner l'espoir dans tous les alentours. Est-ce vrai, est-ce faux? Unissons-nous de vie près de ce petit ruisseau qui coule lentement vers la prairie. À ce tendre rendez-vous, nous reviendrons tous les ans pour invoquer à genoux la source de nos 20 ans, la source du printemps, témoin de nos serments. Pour invoquer à genoux la source de nos 20 ans, la source du printemps, témoin de nos serments. De 49 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On va se quitter dans quelques instants. Je vous laisse en compagnie d'RDP International en direct du Portugal. Pas l'émission de demain à 14h, 16h, cocktail coloré. Ensuite, Francky, de 16h à 18h, after job. Voilà, le titre de son émission. Et je vous rappelle, le dimanche 9 novembre, exceptionnellement, je reçois l'orchestre de d'Eure-et-Loire, Les Oreilles qui saignent, de 12h30 à 15h. soir d'été sur le rivage enchanté, l'ombre descend tout doucement, c'est l'offrande du ciel, le coucher du soleil. La Loire est belle, capricieuse mais fidèle, amoureuse elle vagabonde, fredonnant une ronde éternelle. Elle va, elle vient, sans retourner revient, mais à chaque passage fait une révérence au vieux clocher de mon village. La Loire est belle comme une femme, sa ritournelle chantant mon âme. La Loire est belle, capricieuse mais fidèle, amoureuse, elle vagabonde, fredonnant une ronde éternelle. Elle va, elle vient, sans retourner revient, mais à chaque passage fait une révérence au vieux clocher de mon village. La Loire est belle comme une femme, sa ritournelle chante en mon âme. 1959. On va se quitter dans quelques instants. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve demain à 14h, 16h, cocktail coloré. Et samedi prochain, bien sûr, le bal musette. Dans quelques secondes, RDP International. Da tarde em Portugal Continental e na Madeira, uma hora nos Açores. Com 95 votos a favor e 15 brancos, já foi eleita a nova direção do Livre. Joaquim Catar Moreira sai da direção. Rui Rio quer estabilidade no PSD. O líder do partido foi reeleito com 5.